the resurrection of Jesus Christ has given us victory. If you can believe, all things are possible with Jesus. Now it is your time and your moment. So believe. J'avais tout perdu, mon âme troublée, jusqu'à ce que tu m'as tendu la main, tu m'as sauvé Jésus. Oh, yo, bois les mignons, beau espoir, c'est la guingo. Oh, tu y a un mot qui l'a yé, soit les causés, en est belle. Je suis sincère à mes propos. Convaincu à ce que je parle. N'accuse mon temps, vas-y, mon temps, mon engagé. My conscience knows that it's someone above all. I do not have any experience in life, yeah. But my conscience knows someone that's done something for me that others can do. And that person is Jesus Christ, yeah. Oh my Jesus, you are good. Oh, you are so good. Jean 4, 13 à 19. Parole d'amis des gens. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur vient. Un souffle passe sur ma face. Trois points de suspension. Le poids de mon corps s'enterrissait. Trois points de suspension. Quelqu'un s'était né là, là. Je reconnais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux. J'ai entendu une voix murmurer doucement. Un mortel serait-il juste devant Dieu? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Ce Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs. S'il découvre des erreurs chez les anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile dont le fondement sont dans la poussière. Zambo Ponanga Ndenge Nazali. Lokola Joseph na wumbu n'Egypte. Excellente de l'éternel, Jésus influence les événements. Zambelanga reta kabambonge bibale, mi pépé, akabola kamaï, asekwisa kanyo sukufa. Tu es ma résurrection, Jésus. Je vais vivre selon tes empreintes.